parlez-vous français? Non, parlez-vous français? Non, parlez-vous français? Parlez-vous, je parle français. Vous français? Oui, vous français. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Parlez-vous français? Je suis British. Je suis British. I don't speak much French.